Pou a eu des pieds et des chaussures poutrées une heure, peux-tu le croire? Pou ne ressemble plus à une pomme de terre. Maintenant elle a pris des pieds et peut porter des chaussures. L'une des applications les plus récentes est la possibilité pour nos amis de porter des chaussures. La chose est s'il correspond bien ou non. Un regard drôle, mais Pou commence à ressembler à quelque chose de différent. Maintenant, il existe trois différents types de chaussures qui peuvent également être personnalisées avec une multitude de couleurs. Les seuls inconvénients pour l'instant sont la nécessité de passer au niveau 60, 80 ou 100 pour les débloquer.